kiss me, do you? Cool. Résumé des épisodes précédents. Non, je rigole. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est un nouvel épisode de la saga des Fab Four enregistré à la maison. Le 22e home recording. Je crois que la semaine dernière, je vous avais dit 20, mais c'était une erreur. C'était sur ma playlist et je m'étais trompé. C'est le 22e, c'est certain. Et la semaine dernière, je vous ai dit aussi que le couvre-feu était à 20h. Ça a changé depuis. C'est à 18h. Déjà la semaine dernière. Et voilà, j'enregistre à un moment donné et les choses changent ou pas, en espérant qu'on reviendra à bout, un de ces quatre. Bref, on a choisi un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Let It Be, sorti en 1970. On écoutera For You Blue, I've Got a Feeling, The Long and Winding Road, I'm Me Mine, Two of Us, Across the Universe et Let It Be. Oui, parce qu'étant donné que j'enregistre, je dépasse un petit peu les 2 heures exprès pour pouvoir vous en proposer plus. C'est la saga numéro 481C, c'est comme couvre-feu, vous l'avez compris. Et nous serons, le jour où vous l'entendrez, le 27 janvier 2021. Donc, on va dire nous sommes. C'est moi, au moment où je l'enregistre, nous ne sommes pas le 27 janvier. Bon. Et donc, il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr. Par exemple, pour McCartney, Smile Away sur Ram en 71. John Lennon nous chantera One Day at a Time sur Mind Games en 73. Quant à George Harrison, ce sera All Things Must Pass, mais la nouvelle version, vous savez, déspectorisée de l'album All Things Must Pass, qui sera apparaître en 2021, dès qu'on en saura plus, évidemment, vous serez au courant dans la saga. Pour l'instant, on a une seule chanson, All Things Must Pass, et ça vaut le coup d'oreille. Ta Ringo Starr, ce sera Sentimental Journée sur l'album éponyme Sentimental Journée. Voilà, vous nous retrouvez sur... le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four, mais vous le savez, puisque vous avez gentiment démarré votre podcast à 20h pile. Et voici que le générique est déjà terminé. C'est marrant d'essayer de combler jusqu'à ce que ça se termine. J'y arrive. Première chanson, c'est George Harrison qui s'y colle. For You Blue. Bonne soirée à toutes et à tous. Terminé en 6 prises, For You Blue fut d'abord appelé George's Blues, tandis que le manuscrit original a pour titre For You Blues. George avait toujours été l'un des Beatles les plus désireux de découvrir de nouveaux horizons musicaux, comme McCartney par exemple. Et cela le rapprocha de musiciens comme Ravi Shankar et Eric Clapton. Il a bien rapproché Eric Clapton. Cela l'incita également à toujours expérimenter de nouveaux réglages, instruments, styles et techniques. Écrit pour Patty, la chanson For You Blue est un exercice de style, George s'étant imposé de composer un blues traditionnel. Il ne fit qu'un commentaire sur ce titre, c'est un simple blues sur 12 mesures qui suit toutes les conventions d'une chanson en 12 mesures, sauf qu'il est optimiste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson, et après tout c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4... Quelle voix, suis-je tenté de dire. La chanson suivante nous amène en 1973, One Day at a Time, sur l'album Mind Games. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson ? Le vide causé chez John par la perte de sa foi politique fit de la nature de son partenariat avec Yoko l'élément central de Mind Games, l'album. La dualité de leur relation était exprimée dès le début de cette chanson, lorsque John décrit Yoko comme étant à la fois sa faiblesse et sa force. Malheureusement, peut-être, c'est le côté faiblesse qui prédomine ici. Le titre, « Un jour à la fois », est un emprunt au langage des alcooliques repentis et trahit une dépendance malsaine de la part de John sans que les paroles donnent la moindre indication qui laisserait supposer que ce sentiment est partagé. Les arrangements, eux aussi, avec leurs ficelles un peu trop visibles, nous rappellent que John n'était pas toujours au-dessus de la facilité qu'il était si prompt à critiquer chez Paul McCartney. En fait, « One Day at a Time » est un peu la description d'un Lennon fourvoyé. Ouais, peut-être. N'empêche que c'est une bonne chanson. Et la voici dans la saga des Fab Four. You are my weakness. Together, or when we're apart, there's Allez hop, tout le monde à poil. On va nous faire tous les albums en naked. Et c'est bien aussi. C'est... Bon, ça fait bizarre quand même. J'ai déjà l'album plusieurs fois. Je l'ai eu en vinyle, je l'ai eu en CD, je l'ai eu en remasterisé, je l'ai eu en version bonus, machin, truc chouette. Eh bien, je vais encore l'acheter pour vous et pour moi. Parce que là, on nous promet quelque chose d'intéressant. All Things Must Pass Naked. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et il y a une petite originalité sur la pochette. Il est toujours dans son jardin avec ses nains de jardin à côté. Mais il a un parapluie au-dessus de lui, ils lui ont fait plier le bras avec un parapluie au-dessus. C'est de l'humour tout à fait George Harrison, j'apprécie, c'est bien. Oh, Ringo, Ringo qui est parti tout seul. Sentimentale journée dans la saga. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Be so yearning, why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey, sentimental. Thank you.

McCartney sinon rien dans la saga des Fab Four. Au début, c'était une face B, enfin un bonus, puisqu'il n'y a plus vraiment de face B avec les CD. N'essayez pas de retourner un CD dans le lecteur, ça ne marchera pas. C'était en 1999, le titre du morceau c'était Summer of 59. Et puis à l'instant, issu de sombres sessions en 1979, donc dans les tiroirs, c'était la chanson Cage. Je vous propose également une chanson rare de Ringo. C'est réinclus sur l'album de 1973, mais à l'origine, je crois que c'était une face B, que je n'apprécie pas tant que ça, c'est pas extraordinaire, mais c'est parce que c'est pas extraordinaire que je voulais au moins vous la faire entendre. Voici Down and Out. D'ailleurs, un de ces quatre, je vous passerai les, mais peut-être une par une, les deux chansons que je n'aime pas sur l'album Stop and Smell the Roses, à savoir Drumming is My Madness, qui malheureusement est une mauvaise chanson, et Stop and Smell the Roses, la chanson éponyme, qui aussi est un ratage, alors que le reste de l'album est bon. Mais on en reparlera une autre fois. Allez, Down and Out, c'est Ringo Starr dans la saga. Saw someone looking at me and I'm down, down and out. Well, I'm down, so down, down and out. Look in the fire, what did I see? I saw someone looking at me. Vous l'avez peut-être déjà écrit sur Facebook, je vais vous répondre alors qu'au moment où j'enregistre, je ne sais pas du tout ce que vous pourriez écrire. Cette chanson-là n'est pas si mal que ça. Je pensais à une autre chanson de Ringo Starr qui s'appelle Blind Man, qui est une face B et qui n'est pas terrible, terrible, terrible du tout. Bon. Allez, je vous propose de revenir en 1971, une chanson que je passe rarement parce qu'elle est hargneuse, très hypocrite. John Lennon dira « Oui, mais en fait, je ne m'adressais pas vraiment à Paul, c'était plutôt contre moi. » Tu parles, oui. « How Do You Sleep » est une chanson vache en 1971 sur Imagine, sur Paul McCartney, et une chanson fausse, puisque dire qu'il n'a fait que Yesterday, même John Lennon serait obligé de reconnaître que c'est faux. Mais il y a quand même la moitié des Beatles dedans. Il y a aussi George Harrison. Eh oui, la vache. La chanson en elle-même, si on met à part les paroles dégoûtantes et mensongères, la chanson est bien, mais voilà, c'était quand même extrêmement gonflé de la part de John Lennon. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Let It Be, sorti en 1970. Et voici venir The Long and Winding Road. Tout comme Yesterday, The Long and Winding Road évoque le sentiment d'une grande perte sans décrire une situation spécifique. L'image du vent et de la pluie suggère l'impression d'être abandonné dans un endroit désert, tandis que la longue route sinueuse qui mène à sa porte, The Long and Winding Road That Leads to Your Door, est le symbole de l'espoir. L'imagerie de la chanson provient des séjours de Paul à Hyde Park, la ferme qu'il possède en Écosse, et qui est exposée à des vents puissants et à une pluie fréquente. La longue route sinueuse qui donne son titre à la chanson est la B842, soit 20 km de virage qui mène de la côte est du Kentire à Campbelltown, la ville la plus proche de sa ferme. The Long and Winding Road, sorti en 45 tours aux États-Unis en mai 70 et se classa en tête des charts. Et on finit avec cette anecdote que je ne connaissais pas. Paul McCartney pensait à Ray Charles en composant The Long and Winding Road. Je ne sais pas s'il a repris cette chanson-là. Faudrait qu'on se renseigne. The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. We'll be right back.

ma chanson préférée du nouvel album de McCartney qui s'appelle 3. Bref, c'est pas grave, mais en fait je l'ai passé parce que je sais que vous me l'avez demandé dans la saga des Fab Four, dans le groupe la saga des Fab Four, et quand vous demandez quelque chose en général, j'en tiens compte, sauf si vous me demandez de passer du Yoko Ono, je ne le ferai pas. Voilà, et sinon auparavant c'était Long Lost John, une chanson inédite. Il était resté jusqu'en 1998 lorsque Maman justement a sorti le coffret anthologie Lennon avec cette anthologie 1 Ascot et ce titre Long Lost John qui finalement on s'y fait, c'est plutôt bien, c'est assez sympa. Ça aurait peut-être pu sortir, peut-être. Voici George Harrison, en 1979, sur un album qui s'appelle George Harrison. Il nous sort une chanson qu'il avait écrite en 68, on le sait parce qu'il parle des Sikhs, et il ne la sort qu'en 1979 sur cet album-là. La voici, Not Guilty, dans la saga. Of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. Seek, not guilty. For leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart. I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me said, I'm not guilty. Thank you. enregistré pendant la session de, qui amena au disque, au CD, si vous voulez, comme vous voulez, de toute façon, Rock and Roll en 1975. Cette chanson est restée dans les placards jusqu'en 1986 pour ressortir sur l'album Man Love Avenue. C'était John Lennon, évidemment, à l'instant. Pour l'album de la semaine, c'est l'album Let It Be, sorti en 1970. Je vous propose I Me Mine de George Harrison. Son engagement dans la philosophie orientale devenant de plus en plus profond, George fut confronté à un dilemme qui lui imposait de concilier sa position de rockstar avec l'humilité qu'exigeait la religion pour l'édification de l'âme. George pensait que c'était l'intérêt excessif porté à l'ego, ce que je veux, ce qui m'appartient, ce qui est à moi, qui nous empêchait d'être absorbés par la conscience universelle dans laquelle n'existait ni dualité ni ego. Il n'est rien qui ne soit parti du tout, expliquait George. L'air de valse de I'm in Mine lui a été inspiré par la musique que jouait une fanfare autrichienne lors d'une émission télévisée. La voici, cette chanson, I'm in Mine. Sur RIG, en temps normal, c'est 90.7 ou www.rigfm.fr, mais là, c'est directement au podcast tant que durera le couvre-feu, et j'espère qu'un jour ça arrêtera. C'est le 22e enregistrement fait à la maison depuis le début du confinement. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the fright and the leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Et nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou durant leur carrière solo. Et même si eux-mêmes faisaient déjà la cover d'une chanson de leur père ou qui que ce soit, comme par exemple en 1981, quand George Harrison a chanté Baltimore Oriole, c'était une chanson des années 30 qu'il avait reprise. Mais, donc bref, quelqu'un de connu ou pas. Et là, c'est quelqu'un de connu et c'est un Français que j'aime beaucoup. Il s'appelle Olivier Delafosse, surnommé Old Delaf, et pendant le premier confinement, je crois, peut-être le deuxième, je ne sais plus, il nous a enregistré juste pour le plaisir Mother Nature's Son avec un copain à lui qui s'appelle Victor Paillet. Voici sa version. Sympa. Mother Nature's Son. singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see a waters ride, listen to the pretty sound of music as she flies. Swaying daisies, singing a lazy song beneath the sun. Je trouve que la cover est bien faite et bien réussie. Merci, Oldelaf. La chanson suivante, c'est une chanson. Alors, vous savez, la fameuse rubrique « Fils de ressemblant à » ou « En relation avec les Beatles, de toute façon ». Eh bien là, c'est « En relation avec ». Elton John, le grand copain de John Lennon, a écrit une chanson après la mort de John, en lui rendant hommage. Il a dit dans une interview qu'il l'a chantée un petit peu en live et puis que ça lui prenait trop à la gorge, donc il a arrêté de la chanter. Mais c'était en 1982 sur l'album Jump Up, et cette chanson-là, écoutez les paroles, Empty Garden, très belle chanson, Empty Garden, avec entre parenthèses Hey Hey Johnny, la voici sur RIG dans la saga des Fab Four. As the New York sunset disappeared, I found an empty garden among the flagstones there. Ooh, lived here, he must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for, this little empty garden by the brownstone door and in the cracks along the sidewalk? Nothing grows no more. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled and with age. A gardener like that one, no one can replace. In younger years, but he'd have said that roots grow stronger if only he could heal. Ooh, lived there, he must have been a gardener. Thank you.

Thank you.

passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Dans une interview, je ne sais plus si c'est au sujet de Free as a Bird ou de Real Love, il paraît que Jeff Lynne, le leader d'Electric Light Orchestra et qui participait en tant que producteur à l'enregistrement de ces deux titres-là, aurait dit « là, j'aurais besoin d'un métronome ». Et Ringo Starr, en se désignant, a dit « mais putain, je suis le putain de métronome ». Et oui, et c'est vrai. Thank you.

très belle chanson, Ringo Starr avec son pote Paul McCartney. Ça date déjà de 2010, il y a 11 ans que le temps passe vite. Ça, c'était il y a encore plus de temps, 1970. Across the Universe, John Lennon et les Beatles, dans la saga des Fab Four. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Yeah. being all alone to stand. Maybe I just think of you in a moment. Puisque eh bien, Roy Orbison était décédé entre les deux albums, l'album de 88 et l'album de 90. 90, il y a 31 ans déjà, qu'est-ce que ça passe vite, c'est incroyable. Donc Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison, et il en manque un, Jeff Lynne, pour Wilbury Twist. Et auparavant, c'était Paul McCartney qui se prenait pour Elvis en 1978 sur l'album London Town, avec cette chanson Name and Address. Voici, j'en ai parlé en début d'émission, la cover que j'adore de George Harrison, Baltimore Orioles, sur l'album Summer in England en 1981. Baltimore Orioles, take one look. she can't sing. Make a lonely man happy, Baltimoreo. Come down, for Saga, right here on your radio with Rory Gale. I looked out my window and watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound to pick up the pieces. What's in land? I'm standing all by myself. Ain't got nobody else. All by myself. I don't need nobody. I work on my problems. I'm starting all over again. Started smiling, I'm making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling, I just can't hide. Just can't hide. I'm standing all by myself. Ain't got nobody else. All by myself. I don't need nobody. I see where I wasted my time. You came and took what you wanted and then tried to take what was mine. Don't you know I'm tired? I'm tired of finding myself up against the wall. It's not tall. I'm standing all by myself. Nobody. Ain't got nobody else. 1974. All by myself, pas la chanson de Céline Dion, hein, celle de Ringo Starr sur l'album Goodnight Vienna. Est-ce que vous voulez qu'on revienne une dernière fois à l'album de la semaine, l'album Let It Be ? Oui ! Bon, merci, ça m'a arrangé. Sorti en 45 tours en mars 1970, la chanson Let It Be, ainsi soit-il, sembla avoir été délibérément réalisée pour être le chant du signe des Beatles. En fait, elle avait été enregistrée en janvier 69 et personne ne savait alors que ce serait leur dernier 45 tours. Paul avait composé Let It Be alors qu'il ressentait une profonde affliction devant la lente désagrégation du groupe. John préférait maintenant passer son temps avec Yoko, dont la présence dans les studios n'était pas du goût de tout le monde, forcément. George avait déjà quitté le groupe une fois et était totalement découragé par la façon dont ses chansons étaient systématiquement rejetées. Ringo avait pris quelques jours de vacances durant l'enregistrement de l'album blanc, quand l'atmosphère était devenue insupportable. Il était clair que Paul tentait de prendre le contrôle du groupe parce qu'il pensait qu'il n'arriverait à rien sans un minimum d'organisation et de discipline. Je crois que nous avons été très négatifs depuis le décès de Mr. Epstein, l'entend-on dire dans le film. Le seul moyen que nous avons de régler ce problème, c'est de se dire tous les quatre, est-ce qu'on doit être positif ? Est-ce qu'on doit tout laisser tomber ? Le rôle de Paul était peut-être nécessaire, mais ne l'a pas vraiment rendu populaire. Ses ordres, conseils et réprimandes furent très mal acceptés par les autres, qui en éprouvèrent un vif ressentiment. Let It Be fut composé en réponse à toute cette pression. Les connotations religieuses sont accentuées par l'évocation de Mother Mary, qui semblait désigner la Vierge Marie, mais qui est en réalité une référence à la mère de Paul, qui se trouve, elle s'appelait Marie. Voici la chanson que vous connaissez forcément, dans la version spectorisée, oui. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.

with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. You played a beautiful melody that keeps on haunting me. Voilà, c'est fini. Je rends l'antenne. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une saga 482 qui sera, puisqu'elle est déjà prête sur le papier, une saga Beatles Live. Enfin, les Fab Four en live, pour être précis. Donc ça va être absolument très très sympa. Je sais que vous aimez quand je fais des lives. Et ce sera la semaine prochaine pour début février, puisque vous écoutez cette saga le 27 janvier. Voilà, je ne sais pas quand je l'enregistrerai, peut-être demain, on verra. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.